Radio ETS, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Radio ETS. Franchise, business et entreprise. Radio ETS. En direct et en podcast sur radio-ets.com. Le décryptage sans filtre, c'est maintenant sur Radio ETS. Bonjour et bienvenue sur Radio ETS, ETS pour entreprise, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Alors nous sommes en direct du salon Franchise Expo Paris 2023 où je me trouve avec Philippe Pellerin, directeur de l'enseigne Aesthetic Center. Alors bonjour Philippe, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter personnellement ? Bonjour, je suis directeur de l'enseigne Aesthetic Center depuis maintenant 7 ans et auparavant j'étais directeur marketing de l'enseigne Beauty Success, donc qui fait aussi partie du groupe Novi, donc dans le groupe depuis maintenant 16 ans. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur Aesthetic Center ? Aesthetic Center, c'est un concept d'institut de beauté en franchise avec et sans rendez-vous. On propose une offre autour de la beauté et du bien-être, donc à la fois des prestations d'épilation pour laquelle notamment nous sommes normés AFNOR depuis maintenant 2 ans, des prestations de soins corps, de soins visage, de manucure, de beauté du regard, et un axe différenciant sur notre marché sur lequel on est assez pointu, c'est la technologie. L'innovation et la technologie autour de la minceur, autour du gainage, de la lumière pulsée et de l'anti-âge. Vous développez actuellement sous forme de franchise, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment ce fonctionnement, est-ce que vous pouvez les éclairer ? Qu'est-ce que c'est en fait la franchise ? Le principe d'une franchise est de proposer donc à un futur chef d'entreprise, à un candidat, un concept avéré. Donc là, on est sur un concept sur l'activité esthétique d'institut de beauté qui a fait ses preuves. Et en termes de preuves, je dirais que la meilleure, c'est que l'enseigne a 25 ans en 2023. Et on va accompagner ce porteur de projet parce qu'il y a le métier, mais il y a aussi tout ce qui va concerner la gestion d'entreprise, les protocoles spécifiques liées à notre activité qui sont propres à l'enseigne, qu'on ne retrouve pas à la concurrence, et après les métiers qui vont tourner autour de la communication, le digital qui est un élément important aujourd'hui dans une stratégie de développement d'activité d'un commerce, et va concerner aussi la partie formation sur le management, sur la vente et sur les nouvelles technologies de demain, parce qu'on est quand même sur un marché qui bouge très vite. On sait parallèlement que le contexte actuel est un peu mouvementé, hein. Je pense notamment à la crise sanitaire du Covid, la guerre aux portes de l'Europe, l'inflation, bref, contexte mouvementé, on peut le dire. Alors comment se positionne votre réseau dans ce contexte ? Déjà, je dirais qu'on est optimiste par rapport à l'avenir, parce que on est toujours en mouvement. En tant que franchiseur, on se doit d'être toujours en mouvement et de trouver des solutions de développement. Effectivement, suite au Covid et à la crise sanitaire donc, et à l'inflation, la cliente arbitre maintenant. Je dirais que ce n'est pas propre à l'activité d'esthétique, hein, mais on se doit tous en tant que franchiseur de comprendre déjà le marché sur lequel on est, de comprendre que la clientèle a changé de comportement et qu'elle a des nouvelles attentes. Donc nous, par exemple, ce qu'on a initié suite à la Covid, c'est une modification du modèle, puisqu'auparavant Aesthetic Center était sans rendez-vous, et nous sommes depuis sur un concept qui propose le rendez-vous en ligne. On a notamment signé un accord cadre pour l'ensemble de nos franchisés avec l'acteur Planity, qui est une référence sur le marché de la beauté, qui donne la possibilité à notre clientèle de prendre rendez-vous quand elle le souhaite, sur la prestation qu'elle souhaite. Et je dirais que c'est une vraie réponse parce que suite à cette crise, la cliente aujourd'hui va juger les enseignes sur leur capacité à répondre à un besoin à la seconde. Il est défini aujourd'hui le client comme le client à la seconde et juge les enseignes sur cette capacité à y répondre. Vous êtes, j'imagine, sur un secteur concurrentiel, voire peut-être même très concurrentiel. Alors comment vous faites pour vous différencier ? Ah oui, il y a concurrence. Maintenant, c'est toujours bon qu'il y ait une concurrence sur notre marché. Ça veut dire qu'il y a un marché, qu'il y a une attente, qu'il y a une demande, qu'il y a de la clientèle. L'axe de différenciation que nous, on revendique, c'est cette capacité d'innovation sur de la technologie. On a la chance de faire partie du groupe Novi, qui est propriétaire de la marque HTA, qui est une marque dans la technologie. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est une marque qui est en capacité de proposer à l'ensemble de nos franchisés une quinzaine de technologies autour de 4 axes qui sont donc l'anti-âge, la minceur, la lumière pulsée et le gainage. Donc ça, c'est une vraie différenciation hein, sur, sur le marché de l'esthétique chez Esthetic Center, et on forme aussi l'ensemble de nos salariés sur ces nouvelles technologies. C'est plus de 500 machines qui sont chaque année référencées sur le réseau, et c'est plus de 4000 heures de formation pour former les équipes à ces nouvelles technologies. Bon, on va jouer au jeu du candidat, donc je me mets dans la peau d'un porteur de projet, d'un candidat à la franchise en fait. Pourquoi je choisirais votre enseigne plutôt qu'une autre ? C'est une question que j'ai posée à une candidate l'année dernière qu'on avait rencontrée sur le salon de la franchise. Donc je dirais que c'est je vais citer sa réponse parce que ce sera, on va dire, plus neutre, et c'est elle qui l'a exprimée. Cette candidate, on l'a rencontrée l'année dernière, on a passé du temps avec elle. Elle venait de chez un concurrent en tant que salariée et avait fait le tour du salon pour pouvoir choisir l'enseigne qui pourrait être à même de répondre à sa demande pour ouvrir son institut de beauté. Cette personne va ouvrir son institut avec l'enseigne Esthetic Center le 1er avril, et je lui avais posé la même question, pourquoi nous ? La réponse a été assez spontanée. Je vous ai choisi, vous, pour la relation que j'ai pu avoir avec vous sur le salon, l'écoute que j'ai eue de la part des équipes, puisqu'on était plusieurs pendant ce rendez-vous. Donc, elle répond, je dirais, à une valeur qu'on défend, c'est cette valeur humaine, puisque nous sommes avant tout un groupe et une entreprise familiale. Bon, et la question que se pose forcément un candidat à la franchise, hein, est-ce que c'est rentable de vous rejoindre ? Est-ce que c'est rentable ? Je dirais que oui, puisque... alors déjà, il y a un chiffre important, c'est que 98% de nos franchisés renouvellent leur contrat de franchise. Donc ça donne confiance. On est quand même sur un contrat qui est de 9 ans. On a des franchisés qui sont multiportes, qui ont plusieurs Esthetic Centers. Et je dirais que c'est un candidat, il a réussi à partir du moment où il me dit « Philippe, j'aimerais ouvrir un deuxième institut ». Et ce cas de figure, on l'a de plus en plus, aussi bien sur des profils d'investisseurs, mais aussi sur des profils d'esthéticiennes qui souhaitent avant tout ouvrir leur première entreprise avec nous, et qui, après une première réussite sur un développement sur 2 ou 3 ans, se manifestent pour en ouvrir un deuxième. Comment faire pour vous contacter ? Alors, il y a plusieurs moyens pour pouvoir rejoindre l'enseigne. Le premier et le plus simple, c'est de se connecter sur le site estheticcenter.com, où chaque candidat a la possibilité de remplir un formulaire. Il sera contacté dans les 48 heures par notre équipe de développement, de façon à être à rencontrer le porteur de projet, à être aussi à l'écoute de son projet, de ses attentes, le convaincre de nous rejoindre par rapport à l'ensemble des services qu'on apporte en tant que franchiseur. Ça, c'est le premier point d'accès. Et le second, on est présent sur l'ensemble des plateformes liées à la franchise, où il a aussi la possibilité de remplir un formulaire que nous reçoit directement en fait sur notre intranet. Et le rôle du développeur, c'est de contacter chacun dans les 48 heures. Bien, nous arrivons déjà au terme de cette interview, donc j'aimerais vous laisser carte blanche pour le mot de la fin. Donc allez-y, quand vous voulez. Je dirais que chaque candidat doit se poser la question, c'est pourquoi rejoindre Esthetic Center. La réponse, elle tombe sous le sens en 2023. Nous sommes un des leaders du marché, 25 ans d'expérience en 2023. On fait partie d'un groupe, c'est une vraie force, puisque un candidat chez nous qui postule sous l'enseigne Esthetic Center pourra demain créer son propre maillage territorial avec d'autres enseignes du groupe Novi, notamment avec GFG Clinique, qui est une enseigne en triax sur le marché de l'esthétique, avec l'enseigne Citron Vert qui nous a rejoint l'année dernière, avec l'enseigne Beauty Success. Et en fait, on a plusieurs partenaires franchisés qui sont multi-enseignes, qui sont multi-portes Esthetic Center, et en plus qui sont multi-enseignes. Eh bien, un grand merci à vous, Philippe Pellerin, et au réseau Esthetic Center, pour vous être prêté au jeu de l'interview non préparée. Mais bon, vous le savez, Radio ETS est toujours là pour vous aider à mieux comprendre et mieux choisir la franchise qui vous correspond. Et oui, c'est pour ça que Radio ETS est la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Cette interview vous a plu et vous souhaitez en savoir davantage sur le réseau Esthetic Center, n'hésitez pas à le contacter sur estheticcenter.com. Vous trouverez également le podcast de cette interview sur radioets.com, choisirsafranchise.com et sur tous nos réseaux sociaux. A très bientôt Philippe, et merci encore. Merci à vous.